les coquelicots. Ils éclatent dans le blé, comme une armée de petits soldats. Mais, d'un bien plus beau rouge, ils sont inoffensifs. Leur épée, c'est un épi. C'est le vent qui les fait courir. Et chaque coquelicot s'attarde, quand il veut, au bord du sillon, avec le bleuet, sa pays.